Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 21 mai 2015. Luc Desormeaux au micro, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je serai seul, mes deux comparses ont des contretemps, donc ils ne pourront pas se joindre à moi. Donc je vais discuter avec vous tout seul ce soir, j'espère que ça ne sera pas trop ennuyant pour vous de m'entendre moi et seulement moi. Mais bon, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va passer quand même une belle petite, j'imagine, demi-heure ensemble à discuter voiture, automobile. Donc, la semaine passée, je vous parlais que Chevrolet s'apprêtait le 16 mai à dévoiler la toute nouvelle Camaro, donc la Camaro 2016. Eh bien, c'est fait. Chevrolet a lancé la Camaro. Bon, ça a été fait un événement qui se passait où les, bon, Chevrolet a invité plusieurs personnes à voir la voiture. Et puis, ça a été un lancement quand même intéressant. On a appris certaines choses. Bon, la nouvelle Camaro qui est sur une nouvelle plateforme, on a délaissé l'ancienne plateforme qui était partagée avec les produits Holden. Ceux qui se rappelleront la Pontiac G8 et ces choses-là, c'était pas mal la même plateforme. Maintenant, on a changé de plateforme. On est rendu sur la plateforme de la Cadillac ATS et de la Cadillac CTS. Donc, c'est une nouvelle plateforme pour la Camaro. Cette nouvelle plateforme-là va aider la Camaro à perdre, bon, on parle environ 200 livres de poids. Ça peut jouer un peu, ça peut être un peu plus dépendant du modèle choisi. C'est sûr que le modèle V6 va être un petit peu plus légère ou encore le modèle 4 cylindres parce que oui, il y a maintenant un 4 cylindres dans la Camaro. Bon, il va être plus légère que si on prend le modèle V8, donc le SS tout équipé. Donc, on parle d'environ, grosso modo, 200 à 300 livres de poids de perdu. Donc, ça va aider un peu la voiture à être peut-être un peu plus rapide et tout ça. Donc, ce qu'on a fait, Chevrolet a suivi ce que Ford a fait avec la Mustang l'an passé. Ça veut dire qu'on a trois moteurs maintenant. On a un 4 cylindres turbo-compressé de 2 litres. Le 4 cylindres va produire le 275 chevaux puis 295 livres-pieds de couple. C'est un peu moins que ce que le 4 cylindres turbo ou le 4 cylindres EcoBoost, la Mustang produit. Dans la Mustang, le 4 cylindres produit à peu près 310 chevaux. Je vois de mémoire, c'est 305 ou 310 chevaux. Donc, puis à peu près la même chose de couple. On est à peu près à 300 livres-pieds de couple. Donc, pour le couple, c'est très ressemblant. Mais pour la puissance, la Mustang est un petit peu plus puissante. Mais c'est la seule place où la Mustang va être plus puissante, parce que si on regarde les autres motorisations, là, c'est la Camaro qui va remporter l'espèce de rallye de la puissance. Mais quand même, avec le 4 cylindres turbo, là, GM dit que la Camaro va être quand même capable de faire le 0-100 en moins de 6 secondes. Bon, j'ai hâte de voir ça tomber entre les mains des journalistes qui vont la tester sur piste. Puis on va avoir bientôt, là, j'imagine, dès que la voiture va sortir, on va commencer à avoir des chiffres ou GM va commencer à publier des chiffres réels, des 0-100, des choses comme ça. On verra ça un petit peu plus tard. Si on revient à motorisation, V6 de 3.6 litres qui produit 335 chevaux, 284 livres-pieds de couple. Si on regarde dans la Mustang, mais c'est 300 chevaux. Ford qui a descendu la puissance du V6 de la Mustang à 300 chevaux, qui était 305 l'année passée. On a fait ça pour donner un peu plus de puissance au 4 cylindres. Donc le 4 cylindres paraît mieux que le V6 dans la Mustang, parce que, bon, chez Chevrolet, selon les rumeurs, parce que c'est encore pas nécessairement confirmé, le 4 cylindres va être le modèle d'entrée de gamme, après ça, il va y avoir le 6, après ça, il va y avoir le 8. Ce que Ford a fait, eux autres, c'est que le V6 est le modèle d'entrée de gamme, puis après ça, on va au 4 cylindres turbo, donc l'EcoBoost, puis après ça, on va au V8. Donc, on a joué les cartes un peu différemment. Donc c'est ça, le moteur 6 cylindres qui est plus puissant chez Chevrolet que chez Ford. Puis si on regarde le 8 cylindres, le côté, le modèle SS qui est l'équivalent de la GT sur la Mustang, ben là on y va avec un V8 de 6.2 litres qui produit 455 chevaux puis 455 livres-pieds de couple, donc égale puissance couple. Ça va être, bon c'est ça, plus puissant que le V8 5 litres de la Mustang qui lui est à 435 chevaux, puis 400 livres pieds de couple. Donc un petit peu plus puissant, là, on a 20 chevaux de plus chez Chevrolet. Côté allure, là, c'est pas révolutionnaire, là, c'est pas, on va reconnaître la Camaro assez, assez rapidement. Un peu plus de rondeur, des prises d'air sur le capot, des phares un peu plus allongés, un peu plus beaux. Elle a une allure un peu plus moderne, là, même si la Camaro avait pas une allure vieillotte tant que ça, parce que je veux dire, c'est quand même un modèle qui... Le concept est sorti en 2006, la voiture est sortie en 2010. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est là, mais quand même, là, on a rajeuni un peu les lignes et tout ça. Ça va faire une voiture qui est quand même assez jolie. Hâte de voir là, les chiffres et tout ça. Là. Ça va être encore la bataille du plus de puissance. Là, on n'a pas encore entendu parler des versions ZL1, ZR1, Z28, pas ZR1, mais Z28 et ces choses-là là, qui vont venir jouer contre les Shelby GT500, GT350 de chez Ford. Donc, on va voir un peu plus tard. J'imagine qu'on va se garder un peu de renouveau pour un petit peu plus tard. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. La Camaro devrait être disponible vers l'automne, selon ce qu'on a comme, comme information. Puis elle sera malheureusement plus produite en Ontario. La Camaro qui était, bon, comme vous le savez probablement, produite au Québec un bon bout de temps. Et puis quand la production de la Camaro a arrêté complètement, ben on a décidé d'envoyer ça en Ontario. Et puis maintenant, ben Chevrolet a décidé de sortir ça de l'Ontario, puis d'amener ça à une usine qui est à Lansing, au Michigan. Donc on ramène ça, on rapatrie ça vraiment chez GM, là, qui est vraiment à l'aise à Détroit et tout ça. Donc on veut ramener la voiture, une des voitures icônes de GM, à Détroit. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va voir ça plus à l'automne. Il va sûrement avoir des chiffres qui ont sorti. GM a déjà invité quelques journalistes à aller essayer la Camaro de pré-production sur la piste et des choses comme ça. Et puis, il y a même un journaliste qui a malencontreusement frappé une espèce de mur de pneus en faisant un tour de piste. Il a arraché un rétroviseur, le rétroviseur côté conducteur, et puis il s'est gentiment fait remercier et dire qu'il pouvait retourner chez eux, qu'on n'avait pas besoin de lui pour le restant de la journée. C'est un peu peut-être excessif comme réaction, mais c'est sûr, d'un autre côté, des voitures pré-production, il n'y en a pas une tonne de disponibles, donc on essaie de garder les voitures le plus possible en état de rouler pour pouvoir faire essayer les voitures aux journalistes. Mais aussi, c'est un journaliste du site Jalopnik qui a eu l'espèce de petit incident. Et puis, quelques jours avant, le site de Jalopnik avait réussi à avoir des documents internes à GM qui donnaient exactement toutes les figures de puissance et tout ça. Tout ce que GM annonçait le lendemain ou deux jours plus tard, à part les photos, avait été mis sur le site de Jalopnik. Et puis, GM n'était pas tellement content de ça. Donc, je pense que ça prenait vraiment pas grand-chose pour dire aux journalistes de cette publication-là de... d'aller faire un tour ailleurs. Donc, c'est ce qui est arrivé quand il a frappé le petit mur de pneus. On l'a remercié puis on l'a retourné chez eux. Donc, il n'a pas pu finir ses tests, mais il a quand même pu rouler un petit peu avec la Camaro. On n'a pas eu vraiment ses impressions. Je pense que c'est un peu sous embargo. Ils n'ont pas vraiment le droit de parler tant que ça de leur expérience. C'est vraiment pour avoir des commentaires internes qui veulent ça, et pas nécessairement pour que les gens commencent à écrire des articles à gauche et à droite sur la performance de la voiture, vu que c'est encore des voitures de pré-production, c'est pas final. Donc, si on regarde aussi, il y a une couple de nouvelles intéressantes qui a sorti. Je sais pas si vous êtes amateur de jeux vidéo, mais Electronic Arts et Ghost Games ont annoncé une nouvelle version de la franchise Need for Speed, et là c'est un reboot, donc on recommence à zéro, on efface et on recommence. La série qui s'était perdue un peu dernièrement, là, ça commençait à s'en aller un peu n'importe où, puis c'était pas nécessairement super intéressant. Il y a eu beaucoup de jeux de la série Need for Speed qui étaient simplement juste plates à jouer, des espèces d'effets d'élastique où tu gagnais une course largement en avant des autres, et tout d'un coup, certains se mettaient à te dépasser. Par exemple, s'ils étaient propulsés par un élastique ou un slingshot, là, ils te dépassaient, c'est comme si tu étais arrêté. C'était pas vraiment intéressant. intéressant. Il y a quand même le dernier que moi j'ai joué, c'est Need for Speed Rivals, que j'avais pas détesté. J'avais trouvé que c'était intéressant comme jeu. Beaucoup de voitures, un peu de tuning, là, modifier des voitures et tout ça. J'avais trouvé que c'était quand même bien. Mais Electronic Arts a décidé qu'ils repartaient la franchise, donc on repart sur des nouvelles bases. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. On parle de aller vraiment vers la culture de la voiture, l'espèce de tuning et courses de rue et choses comme ça. Beaucoup de modifications de voitures pour différents types de courses et des choses là. Une histoire aussi un peu plus poussée. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Moi, je me rappelle avoir joué au premier Need for Speed dans le temps, puis c'était vraiment juste un jeu de course pur. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. J'ai l'impression qu'on est presque obligé de rajouter des histoires maintenant pour intéresser certaines personnes. Pourtant, un jeu de course, ça reste un jeu de course. Si on va à des jeux comme Forza Horizon ou Forza Horizon 1 ou 2, on a une histoire, on a quelque chose alentour. Mais il y a d'autres jeux plus comme Forza 4, Forza 5, Forza 6 qui s'en vient bientôt, qui sont simplement des jeux de course où on n'a pas d'histoire, on est un pilote, puis on essaie juste d'avancer dans notre carrière. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Quand on met une histoire à un moment donné, ça peut être fatigant, surtout si on n'embarque pas dans l'histoire, ça ne nous donne pas vraiment le goût de jouer. Quand on veut juste faire des courses de voiture, ben, on pourrait peut-être mettre ça de côté. Il y a aussi Mazda qui commence à présenter une nouvelle série de pubs. Je ne sais pas si on va avoir le droit à ces pubs-là au Québec et au Canada, mais c'est une pub qui est sortie aux États-Unis, puis c'est quand même intéressant. On y voit un jeune ado qui apprend à conduire sur une vieille Mazda 323, je pense, ou une 626. C'est vraiment quelque chose de pas récent. Puis là, on raconte l'histoire. Bon, ça y a pris 2 fois à avoir son permis. Puis là, après ça, il a eu son permis. Il était s'acheter une petite voiture roadster usagée. Puis là, on le voit avec une vieille Miata qui c'est sa voiture qui s'est achetée. Puis là, après ça, on voit son évolution. Il rencontre une blonde. Il se ramasse dans une Mazda 3 5 portes, une Mazda 3 Sport. Après ça, il s'en va vers un CX-5. Puis là, on le voit vieillir. Puis à un moment donné, on voit que les enfants quittent la maison. Puis il retourne dans la nouvelle Miata. La pub, c'est simplement dire aux gens. Le titre de la pub, c'est Driving Matters. Donc, la conduite est importante. Ça a de l'importance, le feeling de conduire, l'espèce de plaisir qu'on peut avoir à conduire une voiture, puis pas juste se rendre du point A au point B. C'est sûr que, si vous êtes comme moi, vous partez le matin, vous en allez au travail, pris dans le trafic, le plaisir de conduire est plus ou moins là, là. Quand on est toujours frein, frein, gaz, frein, gaz, frein, gaz, à un moment donné, ça devient moins intéressant. Mais il y a quand même des voitures qui sont très amusantes à conduire. Puis pour avoir eu la chance de conduire une Mazda Miata ou une MX-5 l'an passé, un petit peu pendant l'été, c'est une voiture qui est vraiment amusante à conduire, même à des vitesses normales, pas des vitesses ultra rapides. C'est vraiment super le fun à conduire. Donc, Mazda qui essaye de dire aux gens, tu sais, le plaisir de conduire devrait encore exister. Puis c'est quand même quelque chose que Mazda essaie de mettre dans chacune de ses voitures. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben, même Mazda essaie de dire ça aux gens, c'est qu'il y a un petit peu de Mazda Miata dans tout ce que Mazda construit. Puis c'est un peu vrai, quand on conduit un produit Mazda, on a l'impression qu'on. Tu sais, c'est une voiture qui sont super bien, sont bien construites aujourd'hui, ont réglé leurs problèmes de rouille et tout ça, mais ça reste une voiture qui est amusante à conduire. Un petit quelque chose de vroom vroom, comme un peu ils disent dans leur publicité. Moi, c'est quelque chose que je retrouve là-dedans. Dans ma Mazda 3 de 2008, même, c'est quelque chose que je retrouvais. Puis je l'ai dit souvent à des gens. Des fois, j'avais des voitures de presse flambant neuves. Puis je l'ai reporté à la voiture, puis je rembarquais dans ma Mazda 3, puis j'aimais encore ma Mazda 3, même si elle commençait désuète, puis elle commençait, tu sais, à n'arracher un peu, puis être un peu vieille. Elle était toujours amusante à conduire, l'espèce de petit pep qu'elle avait. C'était une voiture qui était quand même assez nerveuse, c'était quand même amusant à conduire, puis on retrouve ça dans les voitures Mazda. Puis là, je ne savais pas de vous faire une grosse pub de Mazda, là. Je l'ai plus ma Mazda 3, je l'ai vendue pour m'acheter une Nissan Leaf, qui peut être aussi assez pépée quand on la met pas en mode écono. Donc, c'est ça pour Mazda. Il y a aussi une autre petite nouvelle qui est sortie. Nouvelle ou rumeur plutôt. Hyundai se préparait à sortir un nouveau petit VUS. Là, ça reste à savoir est-ce qu'on va avoir ça au Canada ou en Amérique du Nord ou ça va être simplement en Europe et peut-être en Corée. Mais il y aurait eu des discussions de Hyundai aux États-Unis comme quoi qu'ils aimeraient ça avoir un plus petit VUS. Donc là, on parle d'un VUS sous-compact équivalent des Chevrolet Trax, Mazda CX-3, Jeep Renegade, Honda CR-V. Fait qu'on s'en va un petit peu vers ça. C'est le nouveau marché, hein. C'est vraiment la nouvelle place où les constructeurs veulent s'en aller, là. C'est le VUS sous-compact, le petit VUS de ville. C'est la nouvelle niche là, que à peu près tous les constructeurs vont se lancer dedans bientôt. Fiat, là, avec le Fiat 500X, qui est l'équivalent d'un Jeep Renegade, là, ça dépend de vos goûts, mais c'est à peu près la même voiture. Donc on s'en va tous vers ça. Et il y a aussi une rumeur qui pourrait sortir, puis Volkswagen aussi avait parlé de ça un moment donné, sortir un camion léger, donc équivalent d'un F-150 ou peut-être plus petit que ça, l'équivalent d'un Ford Ranger qu'il y avait dans le temps qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc ça pourrait être quelque chose que Hyundai et même Kia, qui surprenamment a posté une photo sur Facebook, je pense que c'est cette semaine, qui disait voici ce qu'un. Un camion léger Kia pourrait, à quoi un petit camion léger Kia pourrait ressembler. Et puis ça a été vraiment posté comme par le compte officiel de Kia sur Facebook. Donc on regarde les réactions des gens, des choses comme ça. Si vous avez vous avez probablement tout un compte Facebook, abonnez-vous à ces comptes de voitures-là, ces comptes de constructeurs-là, parce que des fois on va vous montrer des concepts, des choses comme ça, puis ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est l'intérêt des gens, des fois, en postant ça, voir la réaction du monde en disant, ah, si tout le monde dit, ah, non, ça m'intéresse pas, tout ça, mais des fois, ça va peut-être les freiner un peu à développer une voiture comme ça. Puis s'ils s'aperçoivent qu'il y a un intérêt, ben, des fois, ça les pousse à développer un nouveau produit, quelque chose comme ça. Pour le camion Kia, le camion Hyundai, et puis aussi le petit VUS, il y aurait 90% des gens qui auraient été sondés, qui étaient intéressés à un petit véhicule comme ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si ça vous intéresse, regardez sur Google, tapez Santa Cruz Concept. Ça va vous montrer un peu ce que le VUS de Hyundai pourrait avoir l'air. C'est quand même joli, c'est quand même moderne. C'est beaucoup plus moderne qu'un F-150 ou qu'un Chevrolet Colorado pourrait avoir l'air, ou quelque chose comme ça. Un GMC Colorado, ou, en tout cas, ces espèces de camions-là. Sauf que je dirais que ça ressemble plus un peu à un Honda. Je me rappelle plus du nom. Mais, Honda avait leur Ridgeline. Honda avait leur camion à un moment donné. Puis ça ressemble un peu à ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a quand même présentement encore une taxe aux États-Unis sur certains produits. Donc, si le VUS, ou si pas le VUS, mais si le petit camion comme ça n'est pas produit au Canada, il y a ce qu'on appelle la chicken tax, qui est une taxe de 25% sur l'importation de certains produits. Puis les camions légers sont dans ça. Donc, si même Ford, qui est un constructeur américain, produit le Ranger en Europe ou dans un autre pays que les États-Unis, quand ils vont les importer ici, ça va leur coûter un frais d'importation. Donc, c'est un peu pour se protéger dans le temps. C'est une loi qui date des années 60, là, mais c'est encore valide. Puis, ça empêche certaines voitures, surtout certains camions. C'est les camions légers qui sont visés. Bon, ça empêche certains camions légers de s'en venir ici, dont les camions de Volkswagen, des choses là. Fait qu'on va voir si ça va venir quand même. Donc, je vais finir avec mon essai du Jeep, pas du Jeep, du Dodge Journey 2015 que j'ai essayé. Ça date je pense, c'est l'automne passé. J'avais bien aimé le Dodge Journey. Bon, c'est pas le meilleur VUS multisegment de son marché, là. Il y a des choses beaucoup plus évoluées que ça. Le Journey commence à faire sentir son âge. Quand on le conduit, ça paraît, mais c'est vraiment confortable. bon, le Journey, qui est une alternative au Dodge Caravan de ce monde, là, ça a vraiment été un produit qui a sorti, que Dodge a sorti, Chrysler a sorti, pour donner une alternative à ceux qui voulaient, bon, de l'espace, mais qui veulent pas une caravane, parce qu'on s'entend qu'une caravane, c'est pas vraiment la chose qu'on veut s'acheter, c'est la chose qu'on doit s'acheter. Donc moi, Chrysler ou Dodge m'avait prêté une version Crossroad. C'est une version qui était équipée là, de phares anti-brouillard, puis il y avait des accents de chrome un peu dedans. Les jantes étaient noires, la grille était noire. Donc c'était un ensemble surtout d'apparence, des jantes de 19 pouces. Bon, c'était quand même une très très belle voiture. On avait les rétroviseurs, bon, électriques chauffants, puis des choses comme ça. Pas mal d'espace dans le coffre. C'est une voiture qui offre quand même beaucoup d'espace, même si c'est pas une caravane, là. Puis ce que j'avais trouvé intéressant, c'est toujours des choses on dirait qu'il y a juste Dodge qui rajoute ça dans leur voiture, là. Il y en a peut-être d'autres, je les ai peut-être pas tout essayé, là. Mais il y avait beaucoup d'éclairage dans le coffre. Il y avait des lampes et des choses comme ça, fait qu'on pouvait voir vraiment très bien dans le coffre. Quand on avait besoin d'y accéder. C'est sûr, moi j'avais la version avec trois rangées de sièges, donc la troisième rangée, quand elle est en position pour que les gens s'assoient, il n'y a pas beaucoup de place dans le coffre. Là, on n'a pas un coffre énorme, mais si on les met plat, ben là on a un coffre qui a quand même beaucoup, beaucoup d'espace. C'est quand même très bien. Bon, à l'intérieur, c'est pas hyper raffiné. Il y a quand même des matériaux. T'sais, des plastiques durs puis des choses comme ça, mais c'est quand même joli, là. C'est pas un intérieur qui est trop passé date. On a beaucoup d'équipements, par exemple. Bon, le modèle que j'avais était équipé du système un genre de cinéma maison. Donc, il y avait un lecteur DVD en arrière, il y avait le système Uconnect, bon, siège chauffant et tout ça. Donc, c'était très bien. Des cadrans qui peuvent donner notre consommation d'essence et tout ça. Volant ajustable, hauteur télescopique. C'était très bien. J'aime beaucoup le système Uconnect, là, puis le volant qui va avec ça chez tous les produits Chrysler. On a un volant qui se prend bien en main. Les boutons sont super bien placés. C'est vraiment un de mes volants préférés encore aujourd'hui, là. Même si là, ça fait quelques temps, j'ai pas conduit un produit Chrysler. Ça s'en vient, j'ai un Dodge Charger V6 et non pas le L4 ou le SRT, là, mais j'ai un Dodge Charger V6 4 roues motrices qui s'en vient dans quelques semaines, là. Ça va être assez intéressant. Donc c'est ça, j'avais le système Uconnect qui va très bien avec le volant qui est installé dans la voiture, ça se contrôle tout bien. Uconnect est un des meilleurs, si pas le meilleur système présentement sur le marché. Puis le système DVD permettait à quelqu'un, dans mon cas ma femme et mon fils, de s'asseoir à l'arrière puis de regarder un film pendant que moi je conduisais pour aller, bon, peu importe où. Puis pendant ce temps-là, on pouvait dire à la voiture, bon, fais jouer un film en arrière, puis en avant, moi je pouvais écouter soit, là je pouvais pas écouter n'importe quoi parce que bon, fallait quand même que le lecteur était utilisé pour le DVD qui jouait, mais j'avais le droit à des fichiers MP3 d'une clé USB ou la radio, peu importe. Fait que je pouvais écouter une autre source, même du Bluetooth, quelque chose comme ça. Fait que c'est très bien. Moi, j'écoutais un podcast, puis ma femme et mon fils écoutaient le film Dragon en arrière, puis tout ça. Donc, ça a été très bien. Ils l'ont écouté en deux coups dans la fin de semaine, dans deux petits voyages qu'on a fait. Ils ont bien apprécié, puis c'était super confortable. Siège confortable, on se sent bien quand même dans l'habitacle, même si c'est pas. C'est vraiment récent. À l'arrière, c'est très intéressant. Les sièges ont des sièges pour enfants intégrés. Donc, on relève le siège, puis on a un siège pour enfants, comme un booster, pas un siège pour bébé, mais une espèce qu'on appelle un siège d'appoint qui est installé là-dedans. C'est une option, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mon fils est assez grand pour pas en avoir de besoin, mais pour voir dehors quand les sièges sont un peu bas puis les fenêtres sont un peu hautes, il aime ça parce qu'il est plus haut. Fait qu'on des fois on l'utilisait, des fois on l'utilisait pas. Mais pour les parents qui ont des enfants qui sont à l'âge des sièges d'appoint, c'est super bien. Ça empêche d'avoir à traîner un siège d'une place à l'autre ou même de racheter un siège de plus, puis quand il n'y en a pas besoin, on le laisse fermer et c'est tout. J'avais trouvé ça intéressant, sauf que pour le refermer, j'avais un petit peu de misère. On dirait qu'il n'était pas tellement coopératif. J'ai eu de la misère. Pour le sortir, ça allait très bien. Pour le serrer, j'ai eu un petit peu plus de misère. Il fallait jouer un petit peu plus insistant, là, mais j'ai quand même réussi cette tâche plus ou moins facile. Puis ça a quand même très bien été. C'est ça, comme je disais, troisième rangée, ça commence à être loin. C'est pas nécessairement facile de se rendre là. Mais bon, les sièges sont là. Si vous avez besoin de transporter un peu plus de gens et pas nécessairement beaucoup d'objets, ben ça va faire le travail. Mais c'est pas moi qui reste asseoir dans la troisième rangée en arrière pour un voyage Montréal-Québec, là. Je suis pas certain que j'aimerais ça. Mais bon, pour si vous avez besoin d'espace aussi, ce qui est bien, c'est que les sièges en arrière, les deux rangées peuvent se mettre complètement à plat. Ça vous donne un grand plancher pour déposer des objets. Fait que l'intérieur, comme je dis, c'est pas excessivement moderne, mais c'est quand même très bien. C'est quand même joli. Côté motorisation, il y a deux moteurs dans le Journey de disponible. Il y a un 4 cylindres de 2,4 litres qui produit 173 chevaux, 166 livres-pieds de couple. Puis le deuxième, qui était celui que j'avais dans le Journey qu'ils m'ont prêté, c'est un V6 de 3,6 litres. C'est un moteur Pentastar qui vient avec 283 chevaux et 260 livres-pieds de couple. Côté transmission, celle du 4 cylindres vient équipée avec une automatique à 4 rapports. Ça commence à être un vieux 4 rapports, là, ça commence à sentir un petit peu la boulamite. Mais sinon, toutes les versions V6 là, ont transmission automatique à 6 rapports. Puis le Journey, vous pouvez avoir soit traction avant ou soit traction intégrale. Le mien était équipé de traction intégrale. Franchement, je vous dirais, c'est sûr. Si on regarde les prix, là, je vais y aller au prix tout de suite parce que ça va aller avec le reste. Là. Ça commence à 19 495 un Journey. Ça, c'est la version 4 cylindres, le moins équipé. Là. Puis ça va jusqu'à 31 000. Puis là, c'est pas avec toutes les options. Si je me rappelle bien, le mien frottait le 44 000 avec le système vidéo puis tout ça. Là. Puis le V6, mais si vous êtes sur le marché pour un Journey, soit neuf ou soit usagé, là, puis dans l'usagé, vous allez en avoir une très bonne quantité. Je vous dirais, c'est sûr que la consommation d'essence va être là, mais peut-être avec le V6. C'est quand même quelque chose qui est quand même assez lourd à traîner. J'ai pas essayé le 4 cylindres, mais j'ai comme l'impression que le petit 4 cylindres doit peiner un peu à traîner le poids de la voiture, mais si vous en avez un puis ça va très bien, faites-moi signe, dites-moi là sur Twitter, ça va me faire plaisir de savoir que j'avais tort. Twitter @Ascalazormo. Donc le Journey sur la route, c'est bien. La suspension était un peu moins confortable, j'aurais pensé. Souvent les VUS, des dos-down, des choses comme ça, c'est assez confortable, c'est assez mou. Lui, c'était plus ou moins le cas, c'était moins confortable que j'aurais pensé en partant, mais c'était pas non plus inconfortable, mais c'était juste un peu plus sec que je pensais. Les accélérations étaient bonnes, mais encore là, comme je vous parle, j'avais un V6. Le freinage est correct. Mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est que le volant, le braquage du volant pour être capable d'avoir un tourner là, un coin, quelque chose comme ça, il me semble qu'il faut tourner le volant un peu plus que sur beaucoup d'autres produits que j'ai essayé. Donc le rayon de braquage a l'air assez grand, mais bon, c'est pour le reste, c'est confortable, c'est très bien. Si vous avez une petite famille, des choses à traîner, vous n'aurez pas de problème avec le Journey. Si on regarde les consommations d'essence, là, bon, c'est un peu à pu finir si je vous les nomme toutes. Ce qui est important, là, c'est celle que j'ai eue. Je vais vous donner les consommations annoncées pour le 6. V6, c'est 14,5 litres au 100 km en ville, 9,9 litres au 100 km sur route. Puis moi, avec celui équipé de la traction intégrale et tout ça, là, j'ai réussi à faire un 11,6 combiné. Ville-route, un peu de trafic et tout ça. Je pense que c'est une consommation qui a quand même pas mal de sens. Là. Si vous regardez une version 4 cylindres, on parle de 12,7 litres au 100 km en ville, puis 9,1 litres au 100 km sur route. Fait qu'il n'y a pas une énorme différence. Puis avec moi, le résultat que j'ai eu à 11,6, là, je vous dirais que c'est bien. C'est sûr, il faudrait peut-être aller voir sur le site de Chrysler. Il y a l'ancienne et la nouvelle méthode de calcul pour les consommations d'essence, ça a changé. Les règles ont changé au Canada. Donc, ils ont les anciens chiffres pour 2015 et les nouvelles manières de calculer. Le cycle de test est différent. Donc, si vous allez sur le site de Chrysler, Chrysler le met dans ces chiffres, là, les anciens chiffres et les nouveaux chiffres pour comparer, vous donner une idée. Si vous voyez que ça consomme plus en 2015, c'est pas que ça consomme moins en 2014, c'est que la manière de calculer a changé. Donc la voiture consomme exactement la même chose, à moins qu'il y ait des changements de moteur dans un produit, là. Sinon, ça consomme exactement la même chose que ça consommait l'année d'avant. Donc, au final, là, le Journey, j'ai bien aimé. C'est un produit intéressant. C'est pas trop cher si vous le prenez de base. Comme je vous dis, moi, je préfère le V6, mais pour vous, peut-être que le 4 cylindres va faire le travail. Moi, dans mon Ford Escape, j'ai choisi un 4 cylindres pour la consommation d'essence. Puis, au final, là, je suis pas sûr que c'était nécessairement le bon choix. Parce que ça consomme comme un truck, là, comme on pourrait dire, ça boit comme un camion. Mais bon, si c'est quelque chose que vous cherchez, vous voulez pas vraiment une caravane, tu sais, ou quelque chose comme ça, mais vous voulez quelque chose qui a l'air un petit peu plus robuste, qui a plus l'air d'un camion que d'une fourgonnette, ben c'est quand même un bon choix. Allez l'essayer si vous êtes sur le marché. Il y a des bons spéciaux. Des fois, Chrysler font des bons spéciaux sur les journées de différents types, là. Regardez ça si jamais vous êtes sur le marché. Mais c'est un bon produit, là. C'est pas un méchant produit. C'est un produit qui s'est bien vendu chez Dodge Chrysler. La seule chose qu'il faut regarder, ben, c'est il est un petit peu vieux. Il n'a pas été refait depuis très longtemps. Je sais pas si il doit avoir des plans pour Chrysler de le renouveler dans un avenir rapproché. Chrysler qui renouvelle tous ses produits là, dans un avenir rapproché. Il y a un plan de 5 ans où, dans ce 5 ans-là, là, Chrysler va avoir renouvelé la majeure partie de sa marque. Des produits comme le Charger, le Challenger devraient être révisés pour 2018. En tout cas, le Challenger pour 2018. Le Charger devrait suivre parce que le Charger, la 300 et le Challenger sont sur la même plateforme. Donc, si on a une plateforme pour un, on devrait avoir une plateforme pour les autres. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Si, entre-temps, vous voulez me rejoindre, ben, sur Twitter, c'est Escalazormo. Il y a le site du podcast auto qui est podcastauto.ca. Vous pouvez aussi écrire sur le compte Twitter du podcast auto qui est à podcast auto. Et puis, vous pouvez me lire à chaque semaine sur le blog de Kijiji qui est à fr.kijijiblog.ca. Donc, fr.kijijiblog.ca dans la section véhicule. Donc, je vous remercie de m'avoir enduré pour une autre semaine et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.